vas-y viens on le fait. Dis-moi pourquoi tu veux pas. Maintenant c'est comme ça que ça se passe. L'important c'est de faire du choca. L'époque des sons à texte, elle est over. Ça vise les chichas et les clubs, histoire de se mettre au beurre. Y'a pas le choix, les gens veulent danser, ne sont pas comme toi, ne veulent plus penser, me demandent pas pourquoi ils cherchent à s'ambiancer. L'air de la Zumba est bel et bien lancé. On vise le salaire du chef de télécom. Aucun des rappeurs fait ça en bénévole. S'il faut chanter pour vendre, alors chantons. Dans le game, je préfère être craps plutôt que d'être ce tocard de plancton. Succès d'estime n'a jamais rendu riche. Un succès commercial, si tant qu'on se met bien, le reste on s'en fiche. Bien, on fait le rap qu'on aime, le rap de ceux qui avaient la dalle. Des textes forts et réels qui te marquent comme un impact de balle. On fait pas de commercial, on fait pas de commercial, on fait pas de commercial, on fait pas de commercial. Pour avoir la vie de rêve, faut faire du commercial. Tant que ça marche, on s'en fout que ce qu'on fait soit trop banal. Bien, on fait du commercial, bien, on fait du commercial, bien, on fait. Pas tort sur certains points, mais vas-y, tu vas trop loin. Y'a pas que la part du gain. Dans la vie, on est des artistes, je te rappelle. La musique, ça se respecte. Le rap, c'est devenu une poubelle. On met tout dedans, j'en vois que le spec. J'suis persuadé que beaucoup s'attachent encore au fond. Autant se distinguer en faisant ce que maintenant très peu font contre vents et marées. On peut quand même tout péter dans le son et puis autant y aller. Qui m'aime me suivre, comme disait le dicton, on est déjà préparé. Il s'agit de faire la diff, pas le choix. Tenter, échouer, t'as le droit. Mais jamais faire ce que tout le monde a déjà fait trop de fois. En faisant comme tout le monde, t'es comme tout le monde, t'es plus indispensable. Allez, cultivons cette différence, devenons un biz rentable. Bien, on fait le rap qu'on aime, le rap de ceux qui avaient la dalle. Des textes forts et réels qui te marquent comme un impact de balle. On fait pas de commercial, on fait pas de commercial, on fait pas de commercial, on fait pas de commercial. Pour avoir la vie de rêve, faut faire du commercial. Tant que ça marche, on s'en fout que ce qu'on fait soit trop banal. Bien, on fait du commercial, bien, on fait du commercial, bien, on fait du commercial, bien, on fait du commercial. Moi, je veux juste faire du lourd tout en restant sensé, qu'on puisse penser. Ah ouais, c'est vrai ce qu'il dit tout en étant en train de danser. Réconcilier la nouvelle et l'ancienne école avec mes sons, faire kiffer le public et gagner de quoi me payer une grande maison. D'élever le niveau de ceux qui écoutent les auditeurs. Moi, mon flow et ma voix, on est soudés comme un trio piqueur. Mais on se cache pas sous terre pour dire ce que l'on pense. Avoir des gens pour t'écouter, conscient que c'est déjà une chance. Dis, hey. Bien, on fait le rap qu'on aime, le rap de ceux qui avaient la dalle. Des textes forts et réels qui te marquent comme un impact de balle. On fait pas de commercial, on fait pas de commercial, on fait pas de commercial, on fait pas de commercial. Pour avoir la vie de rêve, faut faire du commercial. Donc, ça marche, on s'en fout que ce qu'on fait soit trop banal.